Souviens-toi, il pleuvait sur ce train d'Amsterdam qui allait m'emporter, voyageur sans bagage. Tu as lâché ma main et j'ai retenu mes larmes. Le chagrin m'attendait à la fin du voyage. Je revis cet instant dans la ville étrangère, la rue et l'escalier, cette femme en blanc. La porte s'est fermée et j'étais seule sur la terre. Je ne peux pas oublier, c'était il y a un an. Une fleur transpercée par un clou, chaque jour désormais son anniversaire, et le train d'Amsterdam vient déchirer mes nuits. Je rêve à cet enfant et j'ai froid, j'ai honte. Je rêve à cet enfant dont je n'ai pas voulu. Les yeux, j'entends comme une ronde. C'était il y a un an, je ne l'oublie pas.